la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte. Je clique, un chasser dans la porte, ne reste pas derrière. Esquive vite, la première sera la dernière. Cherche une échappatoire, même gonflé comme un malabar. Tu vas te faire pétiner ma gueule, par toi tu n'auras pas ma barre. High kick, ma chaussure ou toutes les serrures. Les portes sous poussoir, on va marcher sur les murs. On fait sauter les serrures. Coup de slap, clac. Libérer les mecs en cellule. C'est rude, usine, c'est pur. J't'assure, les autres est nul. J'frappe à la putain de porte, j'me fracture le col du fémur. Dans le rap, j'm'installe, trop de boulettes sur le canapé. Qu'un stop, un stop, dis si tu sais pas rapper. Pour lier nos mics, l'esprit dans le cellophane. C'est le phénomène, faut que la rançon, j'vais égorger l'otage. Le rap c'est chez nous, MC chez toi c'est chez moi. J'en fais mon tripot, j'encule ta femme et ton frigo. Chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte, chasser dans la porte. Chassé dans la porte à la Mamadou Sy, la concert de l'usine imprévisible comme le retour de Fila. Mais la drogue dans la rise, la danse, le Mia. Missionnaire sur le billard, millionnaire en dinar. Vince le rhum, la bière, le pinard. J'ai niqué ta mère en deux, trois syllabes. Si j'ouvre le coffre, j'ai de quoi mettre tout le public pinable. Comme un crevard, j'ai fait mon album solo sans aucune collab. Rentre, rentre, rentre dans le labo. Tout ce que je sais faire, c'est tisser que des garros. Cantiner le Zedo Star, c'est interdit, ça écarte les barreaux. Ils racontent des mythos fantastiques. C'est des Jack Sparrow, bande de balles de tennis. Arrêtez de jouer les munitions, lanceront. Y'a trop de petits bras qui veulent mettre des longs manteaux. Y'a trop de salopes qui veulent faire la bête à dedans. Saute, saute, casse pas les yaris. Chassé dans la porte, on t'a glissé depuis la banlieue de Paris. Ils font des saltos pour les loves, c'est pédé, sont des otaries. J'suis venu pour entrer ma top comme un Qatari. Chassé dans la top par chez nous, c'est pour te cambrioler. J'craille un riolé, j'vois des billets violés. La truc, j'vais la violer en lutte, ta reprise de voler. Si mon fils mange une baffe, il aura pas volé. C'est un pour tous, tous pour le bénéfice. Ta vie vaut rien si tu prends pas de risque. Fume un pilon en écoutant ce disque. Un écrasement de tête, un chassé dans le dos, une paliette, une coursette avec les gourmettes. Chassé dans la porte, chassé dans la porte. Chassé dans la porte, chassé dans la porte. Chassé dans la porte, chassé dans la porte. Chassé dans la porte, chassé dans la porte. Chassé dans la porte, chassé dans la porte. Chassé dans la porte.